بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Donc nous continuons la lecture du poème Mimiya dans les conseils et la bienséance à avoir vis-à-vis de la science, les comportements dans la science, de Cheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah ta'ala. Fayaqul al-Sheikh al-Nazim, rahimahullah, والسالكون طريق العلم يسلكوهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا نشرا إياه في الأمم فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. فيقول الشيخ والسالكون طريق العلم يسلكوهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم, c'est-à-dire ceux qui empruntent le chemin de la science, Allah les fait emprunter un chemin vers le paradis. وجاء ذلك في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وهذا في صحيح مسلم. Donc comme il a été rapporté dans un hadith authentique chez Muslim qui dit que le prophète sallam a dit quiconque emprunte un chemin à travers lequel il recherche la science, Allah lui facilitera pour cela un chemin vers le paradis. وذلك من باب الجزاء من باب أن الجزاء من جنس العمل, c'est-à-dire ceci conformément à la règle qui dit que la récompense est en fonction de l'œuvre. La récompense est en fonction de l'œuvre. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Donc celui qui a emprunté un chemin vers la science, eh bien Allah va lui faciliter le chemin vers le paradis. Car comme nous avons dit, la récompense est en fonction de l'œuvre. والجنه لا تدخل ولا تنال الا بالايمان وطاعه الله عز وجل ولا سبيل الى معرفه الايمان والى معرفه العمل الصالح الذي يدخل به المرء الجنه الا بالعلم لا يعرف الإيمان ولا يعرف ما يحبه الله ويرضاه إلا بالعلم. Donc je disais que le paradis, on ne peut y entrer que grâce à quoi? Grâce à la foi et grâce aux bonnes actions. Et la foi, tout comme les bonnes actions, ne peuvent être connues sauf si ce n'est qu'en étudiant. Qu'avec la science, lorsque tu vas connaître, tu vas étudier le livre d'Allah et tu vas étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas savoir les choses auxquelles tu dois croire et tu vas savoir les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que nous fassions. Idhan, donc, celui qui va aller apprendre la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis, c'est-à-dire que lorsqu'il va apprendre la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter le fait de croire à ce qu'il va apprendre et d'agir en fonction de ce qu'il va apprendre. ثم قال والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا نشرا إياه في الأمم فينضرته إذ كان متصفا بذاب دعوة خير الخلق كلهم. Donc il dit, et celui qui écoute la science et l'apprend pour la mémoriser, puis qui par la suite va la propager, eh bien cette personne-là, il aura un embellissement, il aura un embellissement, car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations pour ce genre de personnes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations pour ce genre de personnes. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ندر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وفي رواية ندر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. Donc, il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah embellisse quiconque aura entendu ma parole, puis l'aura mémorisé, puis l'aura transmise tout comme il l'a entendu. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallam dit qu'Allah embellisse celui qui entend de nous un hadith, puis qu'il l'a mémorisé jusqu'à ce qu'il l'a transmis à autre que lui. Car il se peut qu'une personne porte une science et transmette une science à quelqu'un qui a plus de compréhension que lui. Et il se peut qu'une personne porte une science alors que lui-même n'a pas une compréhension. Maqsoud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que le prophète veut par là, annahu yad'u li man hafidha sunnatahu wa ballagaha li ghayrihi. Donc, c'est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui a appris des hadiths, puis les a transmis à autres. Et il dit que cet autre à qui les hadiths sont transmis, il se peut qu'il ait plus de compréhension du hadith que celui qui l'avait mémorisé. Il se peut que tu mémorises un hadith, puis que tu le transmettes à quelqu'un, mais cette personne-là va comprendre mieux le hadith que toi-même tu l'avais compris. فَيَسْتَنْبِتُ مِنْهُ الْأَحْكَامِ. De telle sorte qu'il va extirper de ce hadith des règles religieuses que toi, auxquelles tu n'avais pas prêté attention. فَلِذَلِكَ قَالْ رُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Bimarna, c'est-à-dire que tu as une certaine compréhension du hadith, mais tu vas le transmettre à quelqu'un qui va avoir une meilleure compréhension et qui va en sortir plus d'enseignements que toi-même n'en avais sorti. Et dans la deuxième partie, il dit وَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ لَيْسَ بِفَقِيهِ. Il se peut qu'il y ait des personnes qui mémorisent des hadiths, mais ils ne comprennent pas le hadith. Malgré cela, ils rentrent dans cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah va les embellir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour celui qui a simplement quoi ? Qui a simplement mémorisé le hadith, qui a mémorisé le hadith, puis qui l'a transmis à autre que lui. Qu'il ait compris le hadith ou qu'il n'ait pas compris le hadith, quoi qu'il arrive, le prophète a fait une invocation pour lui, qu'Allah l'embellisse. Et dans ce hadith, il dit, « ala ta'allumi sunnah, sunnat al-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. » Et dans ce hadith, il y a donc un encouragement et une motivation du prophète à apprendre, à étudier sa sunna. à étudier sa sunna et à la mémoriser. إذن في هذا الحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أشياء. Et dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم, donc il a cité quatre choses. Il a cité quatre choses. الأولى السماع. نذر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا حديثا. Donc la première des choses qu'il a cité, c'est quoi? C'est l'écoute. Qu'Allah embellisse celui qui aura entendu, qui aura écouté une de mes paroles ou un de mes hadiths. Et comment donc la personne va faire pour écouter ou entendre un hadith? بأن يحرص على الجلوس للعلم وسماعه من أهله. Donc cela en ayant, pour que la personne puisse entendre les hadiths et les écouter, il faut qu'il s'efforce d'aller aux assises de science, au cercle de science, et qu'il aille prendre la science chez les, et qu'il aille écouter la science chez les savants. Donc dans ce hadith, le prophète nous encourage donc à aller écouter la science, à aller dans les cercles de science. La deuxième chose donc que le prophète a cité pour avoir cette, la récompense de cette invocation, pour entrer dans cette invocation, elle wa'i. Sami'a maqalati fa wa'aha. Elle wa'i. C'est-à-dire qu'il ait un minimum de compréhension de ce qu'il, apprend. Bi'an ya'qila ma yasma'. Qu'il ait un minimum de compréhension de ce, qu'il a entendu. Même si il ne va pas pouvoir de lui-même faire un ijtihad, faire un effort d'interprétation et d'en tirer des règles religieuses, mais au moins il a compris de manière succincte le sens de ce qu'il a entendu. الثالثة الحفظ. Qu'il le mémorise. Une fois qu'il a écouté le hadith et qu'il a compris plus ou moins que ce que disait le hadith, il l'a mémorisé. بأن يتعاهد هذا الذي سمعه من العلم ويكرره حتى يثبت فيه أو يثبت عنده. C'est-à-dire qu'il va donc constamment réviser ce hadith jusqu'à ce que ce hadith soit bien enraciné dans son cœur. لأن محل الحفظ هو القلب وليس هو الدماغ المخ. Donc je disais que jusqu'à ce que ce, il va réviser ce hadith jusqu'à ce que ce hadith soit bien enraciné dans son cœur, car l'endroit de la mémoire en réalité se trouve dans le cœur et non pas dans le cerveau. La mémoire se trouve dans le cœur, non pas dans le cerveau, comme l'ont dit beaucoup de savants. Al-Rabi'a, donc la quatrième chose que le prophète a citée pour qu'on puisse obtenir la récompense de cette invocation, Al-Iblar, Binashri al-Ilm, wa ta'limihi lil-akharin. Donc, le quatrième point, c'est de quoi? C'est de transmettre. De transmettre ce hadith, de transmettre cette science que tu as apprise, que tu l'enseignes aux autres. وبهذه المراتب الأربعة ينال العبد هذه الدعوة المباركة بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ندر الله امرأ والنظارة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من أثر الإيمان والعلم النافع وابتهاج القلب بذلك. Donc, quiconque va concrétiser donc ces quatre degrés, qui sont à savoir, nous le répétons, d'écouter la science, de comprendre la science, de la mémoriser, puis de la transmettre. Celui qui aura concrétisé ces quatre choses obtiendra la récompense de cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah embellisse celui qui aura écouté mes paroles, puis les aura comprises et mémorisées et les aura transmises à celui, les aura transmises à autrui. Et l'embellissement qui est cité dans ce hadith, lorsque le prophète, dans cette doua, dans cette invocation, lorsque le prophète dit qu'Allah embellisse, c'est la clarté et la beauté du visage qui vient avec quoi ? Qui vient avec les traces de quoi ? De la foi et de la science et la tranquillité du cœur. La tranquillité du cœur. ثم قال الناظم كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. Et il te suffit pour connaître le mérite des gens de science, il te suffit de savoir qu'ils ont été élevés grâce à leur science en degré, ils ont été élevés au-dessus des autres. Les savants, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les savants au-dessus des simples croyants. كما في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. C'est-à-dire Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont eu la science auront des degrés encore plus supérieurs, auront des degrés supérieurs. قال ابن رجب رحمه الله في هذه الآية يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم ولم يؤتوا العلم كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف وغيره من السلف أي يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. Donc ابن رجب disait, c'est-à-dire que les gens de science donc ont été élevés, hein, au-dessus des croyants qui n'ont pas de science. Ainsi a dit Ibn Mas'ud radiallahu anhu et d'autres parmi les salafs. Donc la signification du verset, Allah élèvera ceux qui ont cru, hein, et qui sont des savants sur ceux qui ont cru mais qui ne sont pas des savants. Allah élèvera en degré ceux qui ont cru et qui ont de la science sur ceux qui ont cru mais qui n'avaient pas de science. Puis l'auteur va nous donner des exemples qui nous montrent cela. Il dit وَكَانَ فَضْلُ أَبِينَ فِي الْقَدِيمِ عَلَى الْأَمْلَاكِ بِالْعِلْمِ مِنْ تَعْلِيمِ رَبِّهِمِ. Et certes, le mérite de notre père dans les temps anciens, notre père Adam alayhi salam, il parle de Adam alayhi salam. Donc, il dit et le mérite de notre père Adam dans les temps anciens sur les anges n'a été rien d'autre qu'à cause de quoi ? Il a été élevé au-dessus des anges, il a eu plus de mérite que les anges, Adam alayhi salam, à cause de quoi ? Ou grâce à quoi ? Grâce à la science qu'Allah lui avait enseignée. Comme قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قبل ذلك قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais mettre sur terre un calife, quelqu'un qui dirigera la terre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc, lorsqu'Allah a informé les anges qu'il allait mettre sur terre quelqu'un pour diriger la terre, autre que eux-mêmes, autre que les anges ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comment vas-tu mettre sur terre quelqu'un qui va semer la corruption et qui va faire couler le sang, alors que nous te glorifions par la louange. Bimarna, c'est-à-dire que les malaïka, les anges, ont su que l'être humain, dans les êtres humains, il y allait y avoir des gens qui font du mal. Ils ont su qu'il y allait y avoir parmi les êtres humains des gens qui vont faire du mal. Et vu que eux, ce sont des créatures parfaites, qui ne peuvent commettre de mal, car ils sont sous l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à 100%. Ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dit, au lieu que tu mettes un homme pour diriger la terre, un homme qui va faire du mal, nous on est là, et nous on t'obéit à 100%, donc on pourra gérer la terre comme il faut. Ils ont vu que, du point de vue de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient plus parfaits que les hommes. Donc, c'est pour cela qu'ils ont posé cette question à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, pourquoi tu mets quelqu'un qui va semer la corruption sur terre et qui va faire couler le sang, alors que nous te glorifions par la louange et nous t'exaltons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, certes, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Adam alayhi salam sur les anges, car il avait une raison bien précise à cela. Et donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa allama Adam al-asma'a kullaha. Puis Allah a enseigné à Adam alayhi salam les noms de toutes choses. Allamahu, il lui a donné la science. Il a donné à Adam alayhi salam de la science en lui enseignant toutes choses. Thumma aradahum ala al-mala'ika. Faqala. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Donc Allah ensuite a présenté toutes les choses aux anges. Toutes ces choses auxquelles Allah avait enseigné à Adam leur nom, Allah les a présentées aux anges. Et il leur a demandé, il leur a demandé donc de l'informer du nom de ces choses-là. Mais comme les anges n'avaient pas, Allah ne leur avait pas donné la science, mais qu'il l'avait donné à Adam alayhi salam, les anges ne pouvaient rien dire, ils ne connaissaient pas le nom de ces choses. Ils ne pouvaient pas donner donc le nom de ces choses. Et par là, il leur a été, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, il a demandé à Adam alayhi salam donc de donner les noms de ces choses-là, et Adam alayhi salam l'a fait. Donc les anges se sont rendus compte du mérite d'Adam alayhi salam sur eux, qu'il avait plus de science qu'eux. Et c'est de cela que donc l'auteur parle lorsqu'il dit que le mérite de notre père Adam alayhi salam sur les anges fut grâce à la science qu'Allah lui a enseignée. Donc la science, ça a été la cause et le moyen par lequel l'être humain a été élevé au-dessus des anges. Thumma qala kadhaka Yusuf. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. Également يوسف عليه السلام il n'a été reconnu que grâce à la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait enseignée, qui est la science de quoi ? De l'interprétation des rêves et de la prophétie. Naam. Il y en a... كما تعرفون ابتلي يوسف عليه السلام بلاء شديدا comme vous savez Youssouf a été éprouvé le prophète Youssouf عليه السلام a été très éprouvé lorsque ses frères l'ont jeté dans le puits puis qu'il a été attrapé par une caravane puis puis qu'il a été élevé dans la maison d'un ministre d'Égypte, jusqu'à ce que la femme de ce ministre, lorsque Youssouf alayhi salam a atteint l'âge de la maturité, lorsque la femme de ce ministre donc s'est proposée à lui, puis qu'il a refusé, puis son innocence a été prouvée, mais la femme a continué à le tenter. La femme a continué à le tenter en invitant toutes les femmes de la ville pour qu'elles voient Youssouf et que si je ne faisais pas ce qu'elle lui demandait, eh bien qu'elle allait ordonner qu'il se fasse emprisonner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Youssouf alayhi salam a été emprisonné injustement. Et les gens pensaient du mal de lui. Les gens pensaient du mal de lui. Jusqu'à ce que les deux compagnons qu'il avait avec lui en prison un parmi eux a été libéré. Et Youssouf alayhi salam lui a dit: parle de moi auprès de ton gouverneur et dis-leur la vérité sur moi, que je suis innocent. Mais ils l'ont oublié et il est resté encore des années en prison jusqu'à ce que le roi a fait un rêve et il ne trouvait personne pour interpréter ce rêve. Et à ce moment-là, donc, le compagnon de prison de Youssouf s'est rappelé de Youssouf. Donc il s'est rappelé de Youssouf. Et il est revenu le voir et il lui a demandé d'interpréter ce rêve. Puis Youssouf, après avoir interprété ce rêve, donc ceci a été dit au roi, qui a reconnu donc le mérite et la valeur de Youssouf alayhi salam. Donc la valeur de Youssouf elle est apparue avec quoi? Avec la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donnée, qui est la prophétie et l'interprétation des rêves. Wa kadhalik, et également également Moussa alayhi salam, Moussa, alors qu'il était un grand prophète, il fait partie des 5 meilleurs prophètes, pour autant il s'est rabaissé, il a été prendre la science. Il a été étudié chez quelqu'un qui était moins élevé que lui en degré, Al-Khadr. Qu'est-ce qui a fait que Moussa alayhi salam s'est abaissé, s'est humilié devant cet homme-là? C'est parce que cet homme-là avait une science que Moussa n'avait pas. Al-Khadr, ala sahih min qawlay al-ulama, min al-anbiya, nabiyun min al-anbiya. Al-Khadr, l'avis prépondérant parmi les paroles des savants, c'est que Al-Khadir était un prophète. Mais c'était un prophète qui était en dessous de Moussa, bikathir, de beaucoup. Fallah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer à Moussa alayhi salam qu'il y a quelqu'un, un prophète, qui est plus bas que lui en degré, mais qui a une science que Moussa n'a pas. Et Moussa alayhi salam s'est rabaissé et a voyagé. A voyagé pour aller prendre la science de l'Khadir. Il ne s'est pas dit, non, alhamdoulilah, moi j'ai déjà assez de science, je n'ai pas besoin d'aller prendre la science chez cet homme-là. Il a voyagé. Il a voyagé pour aller voir ce prophète et pour prendre une science qu'il n'avait pas auprès de lui. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait honoré, alors que Allah avait honoré Moussa alayhi salam par la prophétie et par sa rencontre. Moussa alayhi salam avait rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui avait parlé de vive voix. Certes, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est parti à un endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de la montagne. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné rendez-vous en haut d'une montagne. Et donc, arrivant en haut de la montagne, il a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui parlait de vive voix. Subhanallah. Allah lui a parlé de vive voix au-dessus de la montagne. Et Moussa alayhi salam a voulu voir Allah. Il lui a demandé de le voir. Allah lui a demandé, Moussa a demandé à Allah de le voir. Il lui a dit, « Oh mon Seigneur, laisse-moi te voir. » Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tu ne pourras pas supporter ma vue. Tu ne pourras pas supporter ma vue. Mais regarde la montagne. Lorsque je vais passer par elle, si elle reste à sa place, eh bien tu me verras. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est passé par la montagne a tremblé et Moussa alayhi salam s'est évanoui et a perdu connaissance. Puis lorsqu'il a retrouvé connaissance, il a reconnu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'être humain tel qu'il est construit aujourd'hui ne peut supporter la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Donc Moussa alayhi salam, malgré tous ces honneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, et donc ce qui prouve son haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela Moussa alayhi salam s'est rabaissé et a été prendre la science de quelqu'un qui était plus bas que lui, et même il a voyagé une longue distance pour aller prendre la science de lui, et il a patienté avec lui. Wa kadhalika al-yawm على المسلم أن يرحل لطلب العلم. Et également aujourd'hui, le musulman doit voyager pour aller prendre la science. Peu importe ce que cela va lui coûter. Peu importe ce que cela va lui coûter. Le fait de voyager pour aller apprendre la science. كما مر معنا وخارج في طلب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أيكم. Comme l'auteur a dit dans quelques vers qui ont précédé, et celui qui sort de chez lui et qui voyage pour aller apprendre la science est semblable à celui qui part au djihad. Et vous connaissez très bien la récompense du djihad. Celui qui meurt au djihad, celui qui meurt martyr, il rentre au paradis directement. Et il y a plus de 70 houris qui l'attendent au paradis. Donc celui qui se part pour aller apprendre la science et qui meurt aura une récompense semblable à cela. Car le prophète Hassan nous dit que celui qui part, qui sort de chez lui pour aller apprendre la science est semblable au mujahid, est comparable au mujahid. Et le mujahid, soit il va vaincre son ennemi et revenir avec du butin, ou soit il va mourir en chemin et sa récompense sera le paradis. De la même façon, celui qui sort de chez lui pour aller apprendre la science, soit il va prendre de la science et obtenir de la science et revenir avec toute cette science vers son peuple pour les enseigner, ou soit il va mourir en chemin et sa récompense sera le paradis. Car comme nous avons vu également il y a quelques minutes, quiconque emprunte un chemin vers la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. ثم قال الشيخ الناظم رحمه الله وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدمي كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم وأن غدوا كلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. Donc il nous dit, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné prédominance à celui qui porte la science sur les autres, comme dans la dirigeance de la prière. Comme dans la dirigeance de la prière. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. Car le prophète sallam a dit, dirige la prière des gens, celui qui connaît le mieux le Coran. Et dans, selon certaines traductions, celui qui connaît le plus de Coran. Donc, ça c'est une des choses par lesquelles le prophète sallam donc a donné prédominance à celui qui a de la science sur celui qui n'en a pas ou qui en a moins. Et également, il y a des gens de science. Il suffit pour montrer leur valeur que quoique leurs cœurs sont des récipients de la parole d'Allah et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs cœurs sont remplis de la parole d'Allah et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci montre la valeur des gens de science. Et également, ce qui prouve leur valeur, c'est qu'ils sont les héritiers des prophètes. Ce sont les héritiers des prophètes dans la gouvernance de cette commune, dans la gouvernance des croyants. Ils doivent dire ce que les prophètes ont dit et faire ce que les prophètes ont fait. Et ceci est une lourde responsabilité. Mais cela montre également le haut degré qu'ils ont, car Allah leur a donné cette responsabilité. La responsabilité de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'indiquer aux gens le bien et de leur interdire le mal. Et c'est pour cela qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah an inna al-'alim yuwaqqi'u 'an rabbi al-'alamin wa yanqulu lin-nasi ahkama. Donc Ibn al-Qayyim disait que le savant, c'est quelqu'un qui signe au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le savant, c'est quelqu'un qui signe au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il émet des fatwas. Et lorsqu'il dit ceci est halal et ceci est haram. C'est comme s'il signait au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le savant n'a pas le droit de dire que telle chose est halal ou telle chose est haram, que telle chose est obligatoire et telle chose est interdite, sauf si quoi? Sauf s'il a un texte, sauf s'il a une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ceci ou a interdit cela ou a autorisé ceci. Donc lorsqu'il va dire ceci est halal, c'est comme s'il disait Allah a dit que ceci est halal. Et lorsqu'il dit que telle chose est haram, C'est comme s'il disait que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que telle chose est haram. Et ainsi de suite. Donc, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala car il parle au nom d'Allah. Le savant parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que s'il ne sait pas ou s'il a un doute, il doit s'abstenir. Il doit s'abstenir. Allah subhanahu wa ta'ala parle, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما حرم ربك إنما حرم ربك الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله nous dit certes ton Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes. Certes, ton Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et cachées, et il a interdit également le péché et l'oppression, et il a interdit qu'on lui associe une chose sur laquelle il n'a fait descendre aucune preuve, et que l'on dise sur lui, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala interdit toutes ces choses. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que dans ce verset, Allah a été du moins grave au plus grave. Donc il a commencé par les turpitudes, puis le péché et la transgression. Non, mais c'était le terme que je cherchais. La transgression, puis le shirk. Puis, le fait de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala, de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala et de dire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dites. فَمَاذَا يَخْرُجْ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc, qu'on dit que on ne doit pas dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Ceci implique donc qu'on dise sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on sait. Et je vous pose une question. Est-ce qu'une chose que tu ne sais pas, tu peux dire donc que je le sais? C'est clair. Taïb. Une chose sur laquelle tu as un doute, est-ce que c'est une chose dont tu as connaissance? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux dire je sais? Non. Pourquoi? Parce que tu es en doute. Tu ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'est halal, peut-être que c'est haram. Tu ne sais pas, tu es dans le doute. Donc, la taqul ala Allah illa ma ta'lam, ilma yaqinin, aw dhannin ghalibin. Donc tu ne dois dire sur Allah que ce que tu sais, d'une science sûre ou d'une science prépondérante. À savoir que lorsqu'il y a une divergence entre les savants, tu vas voir qu'un certain avis a l'air plus proche de la vérité que l'autre. En fond, par rapport aux preuves et aux arguments qui sont démontrés. Donc, si ton avis est basé sur des arguments et que tu penches vers un avis, à ce moment-là, tu peux dire cette chose-là. Même si tu n'as pas la certitude, il se peut que l'autre avis soit vrai. ولذلك في هذا الأدب أدب الخلاف, le comportement dans la divergence. Il y en a بعض الناس عنده كل خلاف نعم كل خلاف يعذر فيه الآخر وناس آخرون كل خلاف فيها لا يعذر فيه الآخر. Car il y a donc dans le comportement à avoir dans la divergence, il y a des gens, pour eux, dès qu'il y a une divergence quelque part, c'est bon, et à tout, on peut excuser l'autre avis, peu importe quel est cet autre avis, نعم يعني on se respecte. Peu importe quel que soit cet avis. Et d'autres personnes, à l'autre extrême. Pour eux, dès qu'il y a une divergence, tu ne peux pas le contredire. Son avis, c'est ça la vérité et c'est tout. Et le comportement correct à avoir, c'est le comportement du juste milieu. هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف وهناك مسائل لا يسوغ فيها الخلاف. Il y a des questions, il y a des sujets sur lesquels on peut diverger et il y a des sujets sur lesquels on ne peut diverger. Parmi les questions sur lesquelles on ne peut pas diverger et on ne doit pas diverger, on ne peut pas accepter la divergence, les questions de la aqida, les questions de la croyance, les bases de la croyance, les bases de la religion. Là-dessus, on ne peut pas diverger, on ne peut pas accepter que quelqu'un contredise la croyance musulmane, les bases de la croyance musulmane. Comme ceux qui vont venir et qui vont dire « Allah est partout ». Alors qu'Allah nous a très bien dit dans son livre, et le prophète sallam nous a dit dans sa sunna, qu'Allah était au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Donc on ne peut pas accepter cette divergence, que quelqu'un vienne et nous dise qu'Allah est partout. Également, hein, parmi les divergences dans la croyance qu'on ne peut pas accepter, donc, quelqu'un qui va venir et qui va nous dire que les sahaba, radiallahu anhum, que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient tous des hypocrites, étaient tous des mécréants, sauf quelques-uns. Comme le disent les chiites. Ceci n'est pas acceptable. Ceci est inacceptable. Ceci fait partie de la croyance. Le fait de croire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs gens après les prophètes. Et qu'ils ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ont assisté. Donc, parmi les divergences donc, qui ne sont pas tolérées, la divergence dans la croyance, ou également la divergence dans laquelle l'autre avis va contredire un texte clair, un texte authentique qui est clair. Si on a un hadith authentique et qui est clair, qui ne prête pas à plusieurs interprétations, et que quelqu'un vient et contredit ce hadith, eh bien on ne peut pas accepter cela de lui. On n'accepte pas cette divergence. Et on lui dit, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala et reviens à ce hadith. Suis ce hadith. Tu n'as pas le droit de contredire ce hadith. Et parmi les divergences qui sont tolérées et dans lesquelles on ne va pas donc être dur avec la personne avec qui nous divergeons, c'est, comme a dit l'ulama, al-khilaf fil masail al-ijtihadiyya. التي تحتمل الأدلة كلا القولين. Donc, c'est la divergence dans les questions d'ijtihad, dans les questions sur lesquelles les savants peuvent faire un effort d'interprétation, car les textes ne sont pas explicites, mais ils prêtent à plusieurs interprétations. Si les textes, dans une question de religion, si les textes prêtent à plusieurs interprétations, et qu'un savant va le comprendre de telle façon, et tel autre savant va le comprendre de telle autre façon, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas faire, on ne peut pas avoir une position dure face à l'autre avis. Al-Muhim, kharajna anil maqsoud, wa na'oud. On est un petit peu sorti du sujet, mais nous revenons donc à ce que l'auteur a dit. Il dit, وخصهم ربنا عقلا بأم وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des savants, Allah subhanahu wa ta'ala a limité sa crainte à eux lorsqu'il dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes ceux qui craignent vraiment Allah, les seuls qui craignent vraiment Allah, ce sont les savants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a limité la crainte, a délimité les gens qui le craignent réellement aux savants. Il a dit que ceux qui craignent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les savants. ولذلك قال ابن سعد رحمه الله فكل من كان بالله اعلم كان اكثر له خشيه. وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Donc Ibn Sa'di rahimahullah, il dit, par rapport au verset que j'ai cité, il dit, donc toute personne, ou plutôt il dit, et plus la personne va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus la personne va connaître Allah, plus il va le craindre. Plus il va le craindre. Et sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va le pousser à délaisser les péchés. Va le pousser à délaisser les péchés et à se préparer à la rencontre de celui qu'il craint. C'est-à-dire à la rencontre d'Allah. Sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va le pousser à délaisser les péchés et à se préparer à la rencontre d'Allah. C'est-à-dire en faisant les bonnes œuvres. Puis Cheikh Sa'di il dit, et ceci est une preuve sur la valeur de la science, car elle appelle à la crainte d'Allah, et les gens qui craignent Allah, ce sont les gens qui auront le bonheur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui, ceci vaut pour celui qui aura craint son Seigneur. Celui qui aura craint son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui. فَلَا تُنَالُ رِضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا بِخَشْيَتِهِ. Donc pour obtenir la satisfaction d'Allah, il faut le craindre. Et également Allah subhanahu wa ta'ala a délimité la compréhension de ces versets aux savants. Lorsqu'il dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et ces exemples que nous donnons dans le Coran, pour les gens, Rafwan, il dit, voilà les exemples que nous donnons aux gens, c'est-à-dire dans le Coran, voilà les exemples que nous donnons aux gens, après qu'il ait cité pas mal de choses, Allah dit, voilà les exemples que nous donnons aux gens, et seuls les savants les comprennent. Seuls les savants les comprennent. Donc tout cela prouve le mérite des savants, car Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Coran que ce sont les seuls à le craindre réellement, et ce sont les seuls à comprendre réellement les exemples qu'il nous a donnés dans le Coran et à comprendre sa religion. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.